Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. 278e épisode du Pyongyang City Rocker ce soir sur le 106,6. C'est la fréquence de Radio Campus Lille. Pour ceux qui ne le savent pas encore. Et pour les nouveaux auditeurs des internets, www.campuslille.com. Et puis le nouveau bazar DAP+, là. Qui est plus si nouveau maintenant. La radio numérique terrestre, c'est ça. Et du coup, ça marche pas par. Eh ben. 260. Petite équipe ce soir. Hein. Jamie qui est là pour nous faire coucou. Ouais, coucou. Et puis Jérémy derrière les potards. Et moi derrière le micro numéro 2. Merci Gaël. Moi j'ai envie de commencer avec un deuxième extrait du nouvel album de Crime. Un groupe de punk rock de Tarragone en Catalogne. Alors le groupe devrait sortir son disque au mois de mars via le label HFMN. Le premier extrait est dispo dans le sampler des 20 ans d'ailleurs de ce label. Et c'est un morceau très positif vu qu'il parle de la fin inévitable de notre civilisation qui se rapproche à grands pas. Le disque comportera 12 titres et le morceau que je vais vous passer s'appelle Cançons des Mortes. C'est un CCDI au milieu. Ouais, c'est pas vraiment c'est du catalan, je crois, ou du castillan, je voulais pas dire de bêtises, mais. C'est Cançons des Mortes par Crime sur le www.campuslille.com. Hein. 106,6 Radio Campus Lille. Cançons, c'est en français. Pyongyang City Rocker. Cançons de mort. Yeah. Voilà. C'est écrit avec le morceau Cansons des Mortes qui sortira sur leur album bientôt au mois de mars. Bah merci pour cette belle. Ça, c'est un morceau que tu as dû bien aimer, ça. Bah ouais, ouais. Non, c'est l'époque bien, Acouphène, ça. Bah ouais, j'aime bien. Du coup, je vais te passer un petit morceau. Qu'est-ce que je vais te mettre ? Ce soir, j'ai prévu une petite sélection. Du label anglais d'Oxford qui s'appelle Big Scary Monster. Comme on était qu'à deux, je me suis dit que j'allais faire une petite spéciale. Voilà. Du coup, comme petit groupe de rock, parce que c'est plutôt orienté rock, hein, mais je pense que ça plaira à nos auditeurs. Je vous propose un groupe new-yorkais qui s'appelle No Bro et qui. Pas de frère. Qui encense. Ou alors pas de bras. Qui est beau. Ouais, pas de bras, peut-être. Qui encense le chardonnay avec It's les chardonnay. Allez, hitons-les. Ouais, du coup, whatever, hein, comme ils disent à Montréal et pas à New York. Ils disent whatever Ouais, tout le temps. Oh, d'accord, ça marche. C'est un peu leur, tu sais, leur gimmick, chaque fin de phrase. Tu sais. Peut-être que tu as pris des morceaux de Big Scary Monster, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pris de la nouveauté et j'ai pris aussi l'agenda de la semaine à venir. Juste rappeler que la grande leaderice Audrey Rudicat sera en mix platine DJ avec Ben Bang le 21. 21, c'est samedi. Samedi soir. Au musical. C'est à Five. Ouais, donc ce sera quoi, du garage, du punk, du reggae, de la hoy. Certainement ouais, soul. Ouais. Ouais. Tout ce qui, et puis, j'aime bien ça. Ouais. Avis, ça va danser. 60s, 80s, 70s aussi. Ça va le faire. Sinon, moi j'irais griller que là, en ce moment, au cinéma, il y a un film. Ah. Qui s'appelle des fois, y a des films au cinéma, qui s'appelle Rascals depuis le 11 janvier. On peut voir donc ce film Rascals dans certaines salles de cinéma. Alors pour rappel, voici le synopsis. Si vous n'avez pas entendu, mes grands leaders Jamie et Jérémy. Bah non. Les Rascals, c'est une bande de jeunes de banlieue qui profitent de la vie insouciante des années 80. Chez un disquaire, l'un d'eux rencontre un skin qu'il avait agressé et décide de se faire justice lui-même. Témoin de la scène, la jeune sœur du skin se rapproche d'un étudiant extrémiste qui lui promet de se venger des rascals. Alors que l'extrême droite gagne du terrain dans tout le pays, la bande d'amis est prise dans un engrenage. C'est la fin de l'innocence. Ah si, en fait, je connaissais pas le titre du film, mais je l'avais lu, j'ai vu l'affiche. Bah non, on n'a pas encore vu, c'est sorti le 11, donc la semaine dernière. Alors pour les Lillois, on peut voir ça du côté du Kinépolis et les Valenciennois au Gaumont. Voilà, je crois pas qu'il y ait d'autres salles plus proches qui le diffusent. Oh. Et moi, Rascals, ça me fait penser à mes potes de Paris, Ben Dickey, le guitariste-compositeur de Cran, et Semtex, ouais. De Feu, enfin lui feu Spit It Out et feu Street Kids. Street Kids. Avec qui j'ai fait une émission qui s'appelait, qui s'appelle toujours, je sais pas s'il y aura d'autres épisodes peut-être un jour. Get Your Haircut. Get Your Haircut, ouais. Et donc eux deux, ils ont fait un duo qui s'appelle Rascals. Alors j'en profite pour passer un petit morceau, c'est le moment. Hein. Time to Die. C'est encore un morceau gay. C'est extrait de leur EP Demo From Tomorrow qui est sorti en juin l'année dernière sur Bandcamp. Rascals, c'est écrit de la même façon que le film et le titre Time to Die. Pour les Lillois, du coup, ça fera penser plutôt au scalp, du coup. Peut-être. Peut-être. The perfect patience. J'avais envie de calmer un peu les auditeurs. T'as bien calmé les gens, là. Bien atmosphérique ton morceau. Ouais, c'était American Football avec leur morceau Rare Symmetry, avec mon superbe anglais. Groupe de l'Illinois qui est plutôt tendance post-rock. Hein. L'Illinois. Québec. Ouais. c'est pas très loin non plus, hein, après. Hein, tu vas me dire. Ah non, il n'y a qu'un fleuve, un lac à passer. Ouais. Ah oui, pendant cette longue plage musicale, il y a grand leader Stéphane qui m'a demandé de vous faire part d'une soirée qui se déroulera samedi 21 janvier au Jotex Café. Ça se trouve 7 place Saint-André à Lille. Dès 19h, il y aura Tuesday Violence. C'est un groupe de primitive garage punk. Et pour égayer toute cette soirée, il y aura des DJ. Dont Sex Ray et Gingerella. Donc tout ça, ça coûte 5 balles. Dès 19h, donc au 7 Place Saint-André, au Jotex Café, je rappelle, Tuesday Violence du Primitive Garage Punk et des DJ Sex Ray et Gingerella. Et ça se déroule samedi 21. Est-ce que Jérémy, t'as un morceau de Tuesday Violence à nous proposer? Ouais, alors ils ont 4 morceaux et ils savent pas encore comment ça fonctionne Bandcamp. Mais ouais, ils ont un morceau qui s'appelle Late. Late. Ok, ouais. Et ben on écoute ça, et donc samedi 21 au Jotex. Ouais, Ouais, ça passerait bien avec un petit thé. Ouais. Voilà, Status Defiance, Primitive Garage Punk de Bruxelles. Ça joue samedi au Jotex, 7 place Saint-André. On va parler maintenant d'un autre concert qui a lieu mercredi prochain à Wascal, au Black Lab. Il y a GBH, les Anglais de Birmingham, qui existent depuis les années 80, voire peut-être même un petit peu avant, et qui joueront avec Comintern Sect, qui existe depuis début 80. Donc deux groupes légendes qui se sont donné rendez-vous au Black Lab de Wascal. C'est l'occasion de passer une plutôt bonne soirée. Donc GBH, c'est plutôt du punk, comme on aime l'appeler, hein, du punk tout court. Et comme Intern Sect, c'est plutôt ses débuts du punk, et maintenant ça vire bien vers la hoï. Et donc je vais vous proposer un morceau de chacun. Et avant de vous proposer ces morceaux qui sont Sick Boy pour GBH et Que restera-t-il de toi pour comme Intern Sect, on va vous donner le numéro de téléphone de Radio Campus Lille, 03 20 912 400. Et on vous offre des places pour Comintern Sect qui a lieu donc la semaine prochaine, mercredi 25 au Black Lab. Tout de suite sur les ondes de Pyongyang City Rockers, Radio Campus Lille, GBH Sick Boy, suivi de Comintern Sect, que restera-t-il de toi? 03 20 912 400 si tu veux y aller gratos. We'll be right back. copain. On a perdu un copain. C'est triste, hein. Bah ouais, c'est une chanson triste. On se reconnaît tous forcément de près ou de loin dans cette chanson. Carrément, ouais. Voilà, c'était Comintern Sect précédé de GBH qui sont en concert mercredi prochain au Black Lab à Wascal. Et ben moi, je vais te proposer de continuer un petit tour un peu plus joyeux dans l'Illinois. Avec, encore ah bah oui, ouais, c'est ouais, un label. Avec une petite chanson sur des glaces. Ah. Un ice cream song de Laura Jane Grace, la chanteuse de Gainsmith. D'accord. Ça, je te fais un petit parallèle un peu punk, toujours sur Big Scary Monster. Allez, faites-vous plaisir. Bon, le son de la batterie est un peu bizarre. Adjust your volume, open your head, heaven descends. Sherbert yellow, sherbert blue, sherbert orange, all for you, only you. Magpies on the lawn down rose petal roads. Was a licorice black night, there was a ripe red strawberry moon. And I wanted to swallow the whole damn dry lake. Seas of green and amber waves. I wanted to make it all a part of me, I wanted to take it with me when I have to leave. I wanted to make it all a part of me, I wanted to take it with me when I have to leave. In bloom, fruit grown wild on beds of your decay. Birch tree canopy covers up the sky for me. In the morning I listen to you sing. It puts the heavens underneath my feet. All the continents divide, break up and float into the sky. And I remain contained by this body. When the hand comes to me, I will not bring with me any need. When the hand takes hold to leave, I will give to it my full release. Une jolie petite chanson sur les glaces. Ouais, toujours cette voix assez rocailleuse quand même. Hein. Ouais, comme qui on nous bien, fait rappeler l'époque Against Me. Ça existe encore Against Me, hein, ça continue à jouer. Ah ouais, ouais. D'accord, ok. Moi, j'ai un peu lâché l'affaire il y a quelques années. Mais ouais, c'est toujours un groupe que quand j'ai vu, ça renvoie quand même sur scène. Hein. Respect quand même. Bah moi, je continue mon petit tour des concerts qui se passent là cette semaine. Donc, on avait dit un mercredi, GBH et Comintern Sect au Black Lab. Bah, mercredi, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusque Wascal, ou qu'ils ont la flemme de se déplacer jusqu'au Wascal, ils ont peut-être un peu moins la flemme de se déplacer jusqu'à la Bulle Café, qui se trouve à Moulins, et où il y aura Oi Boys, le groupe de Metz, qui jouera avec Noir Boy George. Noir Boy George, ok. Voilà, je sais plus trop ce que c'est ça. Bah, des chansons de George de, Boy, de Boy George. George. Chanté en version gospel peut-être, je ne sais pas. Bon, en tout surprise. Cas, nous on connaît Oi Boys, et donc c'est pour ça qu'on leur fait un peu de promo. Et dire aussi qu'ils seront vendredi à Courtrai, non pas au Pits, c'est sous organisation du Pits, mais ça ne se déroule pas. Vendredi 27 du coup. Ouais, vendredi 27, ça ne sera pas au Pits, ça sera à De Kreun. Donc voilà, une salle bien plus grande. Oui, je sais plus, ça a un nom. Il y a un autre nom que De Kreun à cette salle, c'est genre la petite salle de De Kreun, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, si vous voulez voir Oi Boys la semaine prochaine, c'est soit mercredi à la Bulle Café, donc à Lille, avec Noir Boy George, et ou vendredi au Pits. Non, au Pits, à De Kreun. À Courtrai. À Courtrai. Voilà, on écoute le morceau Dernière Tournée, qui est extrait de leur unique album pour l'instant, qui est sorti en septembre en 2021. Oi Boys de Metz tout de suite sur Radio Campus Lille avec le morceau Dernière Tournée. La gueule abîmée, la gueule de bois. À ce souvenir, encore une fois, tu sais, on est toujours là, dans les bars, dans la ville, on pense encore. Guidé par le diable, la dernière tournée. Je vais quand même préciser que je suis un agenda concert. Après, on va croire que je suis en mode dépression là, ouais. Ça. Parce que j'ai ramené que des chansons ultra dark. Quand Non, mais c'est parce qu'on aime bien la lecture de spunk.org. Voilà. Ah, ben ouais, non, c'est peut-être le seul morceau qui était un peu plus gay de la soirée. Quoi. Ah non, ouais, ton groupe de punk rock avec les filles, là, c'était pas mal gay ça. Ouais, bah d'ailleurs, je vais continuer avec un truc qui fout un peu la patate. Toujours chez Big Scary Monster, une espagnole qui s'appelle alors c'est imprononçable, Winer, oui. Y-A-W-N-E-R-S. Ouais, voilà, c'est compliqué, ouais. compliqué à prononcer. On notera le nom. Hein, American. You're American. Pour tous ceux qui nous écoutent. Yeah, I'm American. Avec son morceau Bilong. Censé le dire. Donc avec un petit esprit pop, juste pour toi, Jamie. Merci. J'écoute d'abord. The wrong side of the door. Get a job, your friends. Cranberries sur Radio Campus Lille. Ça ressemble un peu quand même aux Cranberries, non? Je sais pas. Un petit peu quand même. Jamie disait les... Comment tu les disais cures. Les cures ouais. Au début ouais, aussi, après ça a changé. L'intro, ouais. Alors on a regardé Yoneuse, c'est ça hein, que ça s'écrit ouais, Y-A-W-N-E-R-S. Ça veut rien dire. C'est juste ouais, le nom mais de ce groupe. À mon avis, c'est du, tu sais, du langage Jones, ah ouais, tu vois. D'accord. C'est du verlan. Ok. Donc, bah ouais, non, mais sinon, peut-être. Si c'est du langage Jones, on l'aurait vu quand même. Bah, super. Urban Dictionary, tu vois. Ouais, peut-être. Non, non. Là, tu tapes Yoneuse, tu te rends direct sur ça, quoi. Il n'y a rien d'autre. Ouais. Bon, voilà. Allez, je termine mon petit tour de ce qui se passe dans les salles dans les semaines à venir, là. Donc, le 27, Oi Boys à De Kroon. Mais le 27, pour ceux qui ne peuvent pas aller à De Kroon. À Courtrai, ils peuvent aller au Black Lab, à Wascal. Non, ça c'est non mercredi. Plus. Là, on est au vendredi, là. Vendredi 27. Le vendredi, il y a frustration. Fru-fru. Ouais, frustration. Et frustration, on vous en a passé la semaine dernière, parce qu'ils avaient sorti un nouveau single juste avant l'émission, là, quelques heures avant. Et ben, ils seront donc de retour hein, au Black Lab le 27. Et je vous propose qu'on écoute la phase B de ce nouveau single. Comme ça, vous aurez tout entendu. Elle s'appelle Winds of Change. Et ça n'a rien à voir avec le morceau que tu penses. Ouais, c'est frustration. Ouais, c'est pas que... Wind of Change. Non, c'est pas ça. Non. Ouais, non. Bon, dommage. 106,6. Prêt pour la frustration. J'espère qu'il sera aussi bien que celui de la semaine dernière. Thank you. un morceau bien moins punk que celui de la semaine dernière, bien plus long que celui de la semaine dernière, bien plus Joy Division que celui de la semaine dernière. Voilà. On est d'accord, Jamie ? On est tout à fait d'accord. C'est... On rejoint ce qu'on disait hors antenne. Ouais, bah, Jérémy, celui-là. Ouais, j'ai préféré la semaine dernière, quoi. Ouais. Carrément même. Ça tira pas. Bah, je sais pas. En même temps, c'est tout le temps bien, frustration en live. Hein. Du coup, je pense que. Que y aller. Ou aller à GBH, c'est ça ? Non. Alors, c'est quoi non. Le même soir ? Oui, ouais, c'est le bordel. Hein. C'est... si vous voulez pas vous emmerdouler les pattes, vous allez sur spunk.org. Tout est bien écrit là-bas et tout, au moins. Mais bon, en gros, hein, le mercredi 25, il y a deux concerts. Il y a GBH et Comme Interne à Wascal au Black Lab. Et il y a Oi Boys et Noir Boy George à la Bulle Café à Lille. Donc ça, c'est mercredi. Ouais. Et vendredi. Et t'as oublié, le jeudi, il y a concert à la MDE aussi. Il y a la reprise des concerts Ska à la MDE. Justement, parce que le groupe a annulé aujourd'hui. Oh, mince. Donc il n'y a pas de reprise des concerts Ska à la MDE la semaine, enfin le 26. C'était avec un membre de 8-6 Crew en plus. Par contre, le 26, il y a Oi Boys & Co. à Liège, mais c'est déjà sold out, donc on ne sert à rien d'en parler non plus. Et le vendredi, il y a deux concerts, comme mercredi. Mais vendredi, c'est Oi Boys à De Crun ou Frustration au Black Lab. Voilà. C'est plus clair, Jérémy ? Quel programme, hein ? Comme quoi, hein, on n'est pas encore au point pour animer une émission des salles... C'est pas pour nous tout ça. Moi je vais continuer avec ma série Big Scary Monster, hein, le label d'Oxford, avec Au Sénator, un groupe de New York qui nous fait plutôt ambiance, plutôt musique d'ambiance. Ça quoi, s'écrit hein. Comment O ? Océan, à tort. Ah, Océan, d'accord. Je pensais que c'était des Écossais. Ouais, des Irlandais. Oh. Ouais, mais Irlandais. Allez, avec un O apostrophe. Pas. Moi, ouais, peut-être. Oh. Je sais pas. Faudra leur demander. Oh, c'est toujours joyeux quand même. Radio. Alors, est-ce que t'as bien aimé? Bah ouais, moi ça m'a fait penser au groupe anglais Multi Girl, qui n'existe plus, hein, mais. C'est vrai. Écoute, c'est... ça doit être ça. Ah, il y en a qui n'ont pas aimé, dis donc. Oh. Et non, on va pas rater le concert qui se déroule le 1er février. Moi, je serai pas là. Je pense qu'il n'y aura pas émission. Hein, je crois qu'il n'y aura pas émission. On sera tous au BNR pour aller voir Clem Choice, le groupe de Lyon, qui joueront accompagnés de Beaten Brats, qui sont aussi de Lyon. Donc un groupe de glam, punk, oi, et un groupe de punk rock. Tout ça pour 7€. Un mercredi à partir de 10, enfin ouverture des portes 19h, début des concerts à 20h. C'est la première orga de l'association Mawashi. Donc autant vous faire écouter, et si vous kiffez, venez soutenir cette nouvelle association. Jeremy, qu'est-ce qu'on va passer comme morceau pour Clem Choice? Pour finir, on passera Those from the Wrong Side. Et puis on passera peut-être la semaine prochaine un morceau des Beaten Brats pour se rattraper. D'ici là, on se donne rendez-vous pour le 279e épisode du Pyongyang City Rockers la semaine prochaine. Et puis demain, dans la rue, ouais, dans à la cab. Rue. Hein. Et on n'oublie pas, à cab. Shut up.